Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase, soyez les bienvenus en ce samedi après-midi, samedi 27 février avec plein de soleil cet après-midi, ça fait vachement du bien. En plus, un nouveau classement avec pas mal de changements cette semaine, il y a un total de 2 entrées et 2 sorties. Sachez également que le numéro 1 de la semaine dernière, c'était Garshon Jackson, en serait-il encore question? Rendez-vous tout à l'heure aux alentours des 18h, bien évidemment, tout de suite, 2 entrées, 2 sorties. La sortie de Duke Dumont avec Ocean Drive. Et en sortie également, ça nous fait vachement mal au cœur parce qu'on aime bien ce titre-là finalement. You Notice et Anana Club avec Hush, leur mix de Bebeta. Allez, on y va, on est parti tout de suite d'attaque dans son classement avec les 20 meilleurs titres pour cette semaine. 20e, c'est la lanterne rouge cette semaine, ça perd une petite place. C'est Lucas Debonair, vous l'avez découvert il y a quelques semaines déjà sur Galaxy, ça s'appelle Keep This Party Rocking. Bon après-midi. Flycase sur Galaxy. Numéro 19. Wanna play, wanna stay for a while. If you can't decide, don't be making up your mind. Only for tonight, I just wanna see you smile right now. Come on. Incontournable tous les samedis entre 16h et 18h avec un titre qui sort un petit peu la fin également. C'est à vous de voter un Facebook Flycase. Ex numéro 1 de ce classement, Alex Goffer et Étienne de Crécy avec Smile. Ça perd 3 places cette semaine et une place de moins pour la Lanterne Rouge. 20e, Lucas de Bonheur avec Keep This Party Rocking. Sinon, autre chose à dire, je viens de consulter un petit peu ma liste de cadeaux. On aura des places pour le Kinépolis durant cet après-midi. Ça arrivera avant 18h, on vous le promet. Les 20 titres indispensables. Flycase numéro 18. titres qui te font bouger. Numéro 17. Flygaze, nouveauté. searching for that missing part. You can reach and you can understand. Titre incontournable tout le samedi entre 16h et 18h avec la 16e position à l'instant. Fred Everything et Ginadou avec Churching, c'est le remix de Didi Tron. Ça perd 3 places, 17e, c'était la première entrée. Il y en a 2 au total cette semaine. Nora Impure avec Morning Dew et pointé numéro 18 juste auparavant. Pas de changement par rapport à la semaine dernière pour Me and My Tooth Bros Gold Member. Tous les jours dès 20h sur Galaxy et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émission thématique et DJs rythme les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et ce soir sur Galaxy, nous sommes samedi, donc à partir de 20h, c'est Jérôme Beck, vous allez retrouver 21h, Franck Lido, 22h, Digitom, 23h, Marty, minuit, Digistorm, 1h, Digigus, à 2h, Mark Lower, 3h, Seth Santos, et à 4h, Pierre Terry, pour clôturer cette soirée. Tout de suite, voici une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Il s'appelle Claude Van Sprock, c'est le nouveau, accompagné de Green Velvet, voici Mind Your Business. Bon après-midi. parle sur Galaxy numéro 15. Keep on pushing, rise to the top. I got to

Curtis sur Galaxy numéro 12. truth, nothing to lose, nothing to gain. Where were you when all the luck was changed? Polishing up all of your guns for the display. FM.com. GalaxyFM.com. GalaxyFM.com. GalaxyFM.com, l'adresse web essentielle pour retrouver toute l'actu de la radio des tribus électroniques. Électronique. Grille des programmes, actu des DJs, le classement Flycase, les événements à venir, les réseaux sociaux et surtout la possibilité d'écouter Galaxy en ligne où que tu sois. Où que tu sois. Tape www.galaxyfm.com et tu as un clic. Un clic. Black. y a juste un petit peu de Michael Jackson là-dessous, hein. Juste un tout petit peu Rap With You avec David et Agility. C'est une petite découverte au Galaxy, ça s'appelle Relax. Numéro 20. Allez, on y va, 17h, voici le récapitulatif de la position numéro 20 à la position numéro 11. Numéro 20, une petite position en moins pour Lucas de Bonheur avec le titre Keep This Party Rocking. Numéro 19. Numéro 19, ça perd 3 places cette semaine. Alex Goffer, Étienne de Crécy avec Smile, ex numéro 1 de ce classement, numéro 19. Numéro 18. Les Sister Sledge, revu et corrigé par Me and My Tooth Bros Gold Member, numéro 18. Pas de changement par rapport à la semaine dernière. Numéro 17. Numéro 17, c'est la première entrée pour cette semaine. Il y en a deux au total. On en a découvert une jusqu'à la position numéro 11, Nora and Pure. On adore ce titre, Morning Dew. Numéro 16. Ex-numéro 1 du Fly Case également, numéro 16. Ça perd 3 places cette semaine. Fred Everything et Gina Doof avec Churching, le remix de D-Tron. Avec la position numéro 15, ça perd 4 places cette semaine. How shall I rise? Numéro 14. Position stationnaire pour le numéro 14. Elia Mador, c'est le grand retour également dans ce classement du Flycase avec Rise, le remix de Robosonic. Numéro 13. Et ça gagne 4 places cette semaine, c'est deux entrées la semaine dernière avec un petit air de David Bowie derrière, Rome Acoustique, c'est le nouveau, ça s'appelle Pantyr, c'est le remix de Format B. Let's dance. Numéro 12. Numéro 12, ça perd 2 places, Ramène Tapia également avec le grand retour d'un vieux de la vieille, Yellow Submarine, numéro 12. Les Beatles qui se retournent dans leur tombe là. Ça n'a rien à voir, rien à voir, que le titre. Numéro 11. Et enfin numéro 11, on s'est écouté 4 places au mieux pour Noir and Judge, le nouveau, ça s'appelle Keep Up, numéro 11. Galaxy Fly Case. Numéro 10. Ah bah voilà, elle est ici la seconde nouveauté. C'est la position numéro 10, ça s'appelle Love Birds National. Restez avec nous, très très bon après-midi. Allez, dans un petit 10 minutes, nous allons jouer avec le Kid et Police. Thank you. 9. De ce titre, hein. C'est la position numéro 9 cette semaine en classement de Flakes, 4 places au moins pour Dele Sosimi Afrobeat Orchestra, tout simplement, avec le titre Too Much Information, c'est le remix de Laoulou. Et numéro 10, c'était la meilleure entrée pour cette semaine, c'était Lovebirds avec National. Allez, on vous l'avait promis, nous allons jouer tout de suite avec le Kiné Police. On a 2 places à vous offrir pour vous et la personne de votre choix pour aller voir le film de votre choix également, valable jusqu'au 31 décembre. Vous avez vachement le temps. 03 20 83 57 57, ça va aller très vite. Hein. On a 4 lignes. Je vais prendre les lignes numéro 3. On y va. 03 20 83 57 57. Les 20 titres indispensables. Numéro 8. faire bouger. Flycase, numéro 7. Deeper into the vibe. What's up?

titres qui te font bouger. C'est Fly Case. Numéro 5. We'll be right back.

titre, hein. C'est une reprise d'un vieux titre disco de l'année 79. Et ça n'a quasiment pas été retouché, donc c'est assez rigolo. On vous proposera un de ces quatre, la version originale, bien évidemment. On essaiera de vous la retrouver. C'était la puce au monde entre les quatre. Jane Faris avec Time. Numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif des 10 meilleurs pour cette semaine. En ce 27 février, le numéro 10, c'était la meilleure entrée pour cette semaine, Lovebirds avec National. Numéro 9, ex numéro 1 de ce classement, ça perd du terrain. 4 places de moins cette semaine pour Delesso Simi Afrobeat Orchestra. Too Much Information, le remix de Laulu. Numéro 8, une petite place de mieux pour le retour de Clapton avec Only Thing, le remix de Tube and Barrier. Red Axis et Abrao Sabor. Petite découverte sur Galaxy numéro 7, ça gagne une place. Numéro 6. I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, and the rhythm flows through my blood like alcohol, and I get drunk, and I'm falling. DJ Leroy, c'est le place numéro 6 avec I Get Deep. C'est accompagné de Roland Clark, deux places au moins. Right in line with the beat, and it's so sweet, sweet. Numéro 5. Les 5 meilleurs pour cette semaine. Numéro 5, deux places de mieux pour Sony Fodera, Yasmin avec Feeling You. Numéro 4. Alors ça, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais c'est vachement bien. C'est à vous de voter en Facebook Flykaze. Peut-être le numéro 1 de la semaine prochaine, It's Everything avec Big Disc. Ça gagne une 4 places en tous les cas. Hein. Ça rigole plus, le podium numéro 3, une place au moins pour Riton et Calo avec Rinse and Repeat. Numéro 2. Et enfin numéro 2, ce petit titre disco revu et corrigé par Jane Faris, ça s'appelle Time numéro 2, une place au mieux. Flygaze. Numéro 1. Et le numéro 1, eh bien, c'était le numéro 1 la semaine dernière, pas de changement, pour Garson Gil Jackson, avec le titre Take It Easy, le remix de Sonny Fodera et Macho. Numéro 1. Yeah. tout comme la semaine dernière, c'était Carson Jackson, numéro 1 avec Take It Easy. Ouais, les Flycase, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, samedi, à partir de 16h. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de voter Facebook Flycase, bien évidemment. Toutes vos propositions, on écoute tout et puis on sélectionne tout. On fait un petit résumé tous les samedis. Entre 16h et 18h, c'est Mac Lumatou. Vous allez retrouver dans un tout petit instant avec le plein de nouveautés. Oui, il me fait signe que oui, donc ça va s'annoncer. Mac Lumatou jusqu'à 20h. Qu'est-ce qu'il y a de beau au programme? Des petites nouveautés vinyles, des petits coups de cœur, des petits classiques. Bref, on va se faire plaisir et ça va bien bouncer pendant 2 heures. Et en plus, on a des places pour le Kinépolis. J'ai vu des cadeaux. Donc, c'est l'Amérique. Allez, on y va, 18h.